Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphren. Synonyme de personne hypocrite et perfide, les pharisiens ont mauvaise réputation. C'est le moins qu'on puisse dire si on lit les évangiles. À maintes reprises, le Christ déjoue leurs questions, lesquelles servent souvent à le piéger, en tout cas à le mettre à l'épreuve. Il faut au moins leur être redevable de ce service rendu à l'histoire, si ce n'est à l'humanité. Sans les pharisiens, il y aurait des répliques que Jésus n'aurait peut-être pas dites, ou dont les évangélistes, les journalistes de l'époque, ne se seraient pas souvenus. Mais qui sont-ils au juste, ces pharisiens? Alors on va essayer de le savoir avec Mireille Hadas-Lebel qui a mené l'enquête. Alors ce n'est pas n'importe qui, elle connaît bien le sujet à de multiples égards. Elle est professeure émérite d'histoire des religions à la Sorbonne, ancien professeur d'hébreu à l'INALCO parmi ses nombreux titres, et elle a publié aux éditions Albin Michel Les pharisiens dans les évangiles et dans l'histoire. C'est l'occasion de s'y intéresser en cette semaine sainte. Bien sûr, écartons tout de suite une idée, il ne s'agit pas de maudire ces pharisiens, parce que, à certains égards et par extension, nous le sommes tous. Bonjour Mireille Hadas-Lebel. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, quelle définition peut-on donner des pharisiens? Oui, parce qu'il y a trois groupes dans le judaïsme de l'Antiquité. Alors, vous venez de donner une image des pharisiens, oui, plus qu'une définition en vérité. Si vous ouvrez un dictionnaire, vous trouverez deux éléments. Vous trouverez premièrement membre d'un groupe ou d'une secte, que simplement quand il n'y a pas tout à fait de l'époque de Jésus, juive de l'époque de Jésus. Oui. Et deuxièmement, sans aucun rapport apparent avec la première définition, hypocrite, qui pratique une piété ostentatoire et qui s'attache à des minutiés ridicules. Et le lien, ce qui fait le lien entre les deux, ce sont ces passages des évangiles dont on peut se demander si le commun les interprète toujours correctement. Effectivement, les pharisiens apparaissent beaucoup dans les évangiles. Jésus a l'air de vivre entouré de pharisiens. Il les rencontre, je dirais, à chaque coin de rue, dans la campagne, il discute avec eux et il le critique et lui les critique. Donc, de quoi s'agit-il? Quel est exactement l'enjeu? Est-ce qu'ils discutent de problèmes absolument fondamentaux? Est-ce qu'ils discutent du Messie? Est-ce qu'ils discutent du royaume? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Mais de quoi discutent-ils, là? Alors, de quoi discutent-ils? Ils discutent, en fait, de problèmes que l'on appelle en hébreu « halakha », c'est-à-dire de questions d'application de la Torah. Il est évident... Donc, le jour du Shabbat, par exemple. Oui. Il est évident que, pour eux tous, la Torah est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et donc, si c'est la parole de Dieu, il faut savoir comment l'appliquer au quotidien. Et pour certains même, la venue du royaume de Dieu dépendra de l'application de la parole divine. Parce que ce royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume des cieux. Lorsque l'on dit en hébreu « Malchut Shamaim », le royaume des cieux, mais les cieux, c'est une manière de désigner Dieu sans prononcer son nom. C'est simplement le royaume de Dieu sur terre. Parce que Dieu est imprononçable, compris dans le judaïsme actuel, d'ailleurs. Dans le judaïsme actuel. Et puis, c'est la parole de Zacharie. En ce temps-là, Dieu sera roi de toute la terre. Et son nom sera un, et voilà. Donc tout le monde reconnaîtra l'unicité divine. Ça, c'est le point commun absolu. D'ailleurs, dans les discussions entre Jésus et les pharisiens, vous voyez que les pharisiens demandent à Jésus quel est le plus grand commandement selon la Torah, et Jésus répond... Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu, le Seigneur est un. C'est la profession de foi de chaque juif jusqu'à nos jours. Il ajoute, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, c'est dans le Lévitique 19-18, c'est-à-dire qu'il y a, selon la tradition juive, les commandements envers Dieu et les commandements envers le prochain. C'est une distinction qui est bien faite. Donc, si on replace cela dans la tradition juive de l'époque, on s'aperçoit que les différences ne sont pas fondamentales, ne portent pas sur l'essentiel. Comme disait Peggy, De la manière la plus simple, il faut toujours parler de la manière la plus simple. Jésus était un juif, un simple juif. C'est ce qu'il dit dans le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Oui, mais il a évidemment, il apporte sur plusieurs points des nuances importantes, sur notamment la pratique, comment observer le Shabbat ou faut-il Il est en rupture même quand même, Il est en rupture, mais pas tant que cela. Lequel d'entre vous n'ira pas sauver son âne ou son bœuf si jamais il tombe dans un puits le jour du Shabbat? Si jamais il tombe dans un puits le jour du Shabbat, eh bien ça signifie que on ira sauver une bête et qu'à plus forte raison on ira sauver un homme. Mais il ne sauve pas un homme, il guérit. Ce n'est pas la même chose. Donc la discussion pouvait porter sur ce point. Est-ce que vous avez un paralytique, quelqu'un qui a la main desséchée, quelqu'un qui est courbé depuis des années? Fallait-il choisir juste ce jour-là? C'est ce que lui disent les pharisiens. On peut discuter, on peut dire, bien sûr, c'est un acte de bienveillance et soigner, c'est aussi important. Mais voilà, nous sommes là, pas dans une véritable rupture, parce qu'il est évident que pour les autres, et le raisonnement de Jésus que vous venez de citer, montre bien qu'il n'est pas question de ne pas sauver une vie humaine le jour du Shabbat. Donc vous estimez, Mireille Hadas-Lebel, qu'en fait, si je vous suis bien, c'est que les discussions entre Jésus et les pharisiens portent sur des questions d'interprétation de la Torah. En fait, il y a un terreau commun que les évangiles soulignent plutôt les divergences plutôt que les convergences naturelles entre les deux. Mais je crois qu'on ne souligne pas certaines paroles de Jésus. Il dit, ce n'est pas parce que on observe ceci qu'il fallait négliger cela. C'est-à-dire que les petites choses vous aident à observer les grandes choses. Sans doute ne faut-il pas leur accorder plus d'importance qu'elle n'en a. Et il ne faut pas perdre de vue le but de votre observance. C'est cela le danger. Ne perdez pas de vue le but de l'observance, parce que le but, ce n'est pas faire ceci bien, correctement ou pas, c'est faire ceci en vue d'autres choses. Voilà. Quelle est la différence, Mireille Hadas-Lebel, entre pharisiens, sadducéens, esséniens, qui sont les trois groupes qui peuplent l'Antiquité biblique? Justement, on aurait pu commencer par là. Parce que à cette époque, le judaïsme est à la fois en ce qu'il se distingue du monde païen environnant par la croyance en un Dieu unique et par l'observance du septième jour chômé qui n'existe pas ailleurs, mais en même temps, il est très profondément divisé. Les sadducéens sont généralement la caste des prêtres. Notre témoignage sur ces sectes nous est donné par l'historien Flavius Joseph. Il lui-même appartient à la caste sacerdotale, mais il l'a abandonné parce qu'il trouve qu'ils sont trop loin du peuple, arrogants, et il ne croit pas en des éléments nouveaux qui se sont accumulés au fil du temps. Par exemple, et surtout d'ailleurs, la résurrection. Or, les pharisiens sont ceux qui croient en la résurrection. Il faut relire le passage des évangiles synoptiques où Jésus est abordé par des sadducéens qui, eux, veulent le piéger en lui posant la question de la résurrection. Au cas où une femme aurait épousé sept maris successifs, de qui sera-t-elle l'épouse à l'heure de la résurrection ? Et en fait, ils veulent le piéger, ils veulent le ridiculiser, ils veulent ridiculiser la croyance en la résurrection. Pourquoi ? Mais parce qu'ils sont dans un débat constant avec les pharisiens sur la question de la résurrection. C'est de cette croyance pharisienne qu'ils se moquent. C'est ça qui les distingue le plus. C'est ça qui les distingue. Les Esséniens, dont Renan a dit que le christianisme était une secte essénienne qui avait réussi, en quoi sont-ils plus proches ? Ils ne sont pas du tout plus proches. parce que est-ce que vous verriez un Essénien, d'après les descriptions qui nous en sont données dans l'Antiquité, dans Joseph en particulier, des gens qui se tiennent à l'écart de la société, qui ne refusent de manger chez d'autres que des Esséniens, de descendre en voyage chez d'autres que des Esséniens, parce qu'ils se tiennent loin de tout ce qui pourrait les souiller, ils pratiquent une pureté extrême, semble-t-il, en vue de la résurrection, mais qu'ils estiment réservée à des gens comme eux uniquement. Mmh. Et donc, ils ne prêchent pas dans le peuple. Ils ne seraient jamais assis à table. Pourquoi les avec a-t-on assimilés, en fait, au christianisme publics. Écoutez, ça a été une idée de Renan à une époque où on n'avait pas découvert encore les manuscrits de Qumran. Mais plus on lit les manuscrits de Qumran, plus on se persuade que Jésus ne pouvait pas être Esséniens. Et je crois que ça a été une formule commode. En fait, bon... dire que Jésus était juif, ben ça, je crois que ça gênait. Je crois que ça gênait. Et dire qu'il était Essénien, c'était plus mystérieux. Mmh. Il y a eu une découverte importante en Israël récemment sur des manuscrits, justement dans la région où on a découvert les manuscrits de Qumran, précisément près de la mer Morte. Oui, en fait, à Qumran, on a beaucoup cherché des manuscrits esséniens qui pourraient être chrétiens. Mais en fait, quand on les a regardés de près, on a vu que c'était des interprétations de phrases très fragmentaires, très obscures. Et puis surtout, on a abandonné cette hypothèse parce que quelqu'un comme Dupont-Somer, qui était au Collège de France dans les années 50, voulait identifier totalement le maître de justice des Esséniens qui avait vécu deux siècles avant à Jésus-Christ en disant que c'était déjà le prodrome, n'est-ce pas, ou peut-être même Jésus-Christ. Donc, la suite des documents a révélé qu'il n'en était rien et qu'on ne pouvait pas faire de Jésus ce fameux maître de justice des documents de Qumran. Mireille Hadas-Lebel, les évangiles donnent une vision bon, complémentaire, mais aussi contrastée. Par exemple, c'est l'évangile de Matthieu qui a été lu le jour des rameaux, qui est le plus juif et le plus anti-juif des évangiles. C'est exact. C'est ce qu'on dit de lui. C'est exact et c'est tout à fait vrai. Parce que Matthieu est visiblement un juif, peut-être d'origine pharisienne, qui, semble-t-il, vit à Antioche dans les années 80, écrit dans les années 80-90 du 1er siècle. Et à son époque, de tous les courants du judaïsme précédent, il ne reste que les pharisiens, qui étaient sans doute les plus influents dans le peuple, parce que les Sadducéens avaient disparu avec le temple, les Esséniens avaient aussi disparu pendant la guerre des Juifs contre Rome, puisqu'ils s'étaient soulevés contre l'Empire romain. Et voilà, pharisiens et juifs étaient quasiment équivalents de son temps. Il leur en voulait de ne pas avoir suivi la même voie que lui. Mais je crois qu'on a aussi exagéré l'impact donné aux malédictions, enfin à ce qui ressemble à des malédictions du chapitre 23 et qui, à vrai dire, doivent être beaucoup, beaucoup nuancées parce que la traduction « malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, etc. » Mais lorsque vous lisez le texte grec, vous avez « why ?» Et le Y correspond exactement à l'hébreu Hoy. Et Hoy se trouve déjà chez de très nombreux prophètes, y compris Isaïe, qui a tellement influencé que Jésus cite si volontiers. Et Hoy, ça peut être une lamentation, une déploration, mais pas une malédiction. C'est un problème de traduction. C'est un problème. Difficile à dire. C'est-à-dire, comment allez-vous traduire une interjection? C'est très difficile. Il faut que vous preniez parti. Alors, vous mettez. Certains disent scribe pharisien. Bon, c'est un peu difficile à passer aussi. Mais est-ce qu'il y en a qui parlent plus de. Qui distinguent juifs et pharisiens? Par exemple, Jean les distingue moins. Il parle des Juifs. Jean dans l'évangile de la Passion, c'est flagrant. De temps en temps, il y a quelques pharisiens qui apparaissent, mais visiblement, c'est la même chose pour lui. Mais 71 fois, d'après les statistiques qui ont été faites, il dit les Juifs. Et alors, évidemment, ça a eu des conséquences sur la vision du judaïsme ultérieur par la lecture répétée, sans la connaissance du contexte. Puisque, je vous le répète, Jésus et les pharisiens ne discutent jamais de, du Messie, de l'identité de Jésus en tant que Messie, de la venue du royaume. Quand Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », bon, c'est quand même... Oui, alors... Avant qu'Abraham fût, je suis, là, ça encore, suscite l'ire des pharisiens. C'est vrai que je me Des pharisiens, pardon, pas des pharisiens. Je me concentre plus sur les évangiles synoptiques que sur l'évangile de Jean. Oui. Alors, Mireille Hadès-Lebel, est-ce qu'il y a une filiation entre le judaïsme actuel ou le judaïsme talmudique qui se reconstituera donc, ou qui se constituera, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il faut dire, et les pharisiens? Est-ce qu'il y a une reconnaissance mutuelle, implicite, une récupération d'héritage? Si vous parlez de pharisiens aujourd'hui, un juif qui fréquente quotidiennement la synagogue vous dira de quoi parlez-vous? Je ne sais pas. Il n'a peut-être jamais entendu ce mot. Et il est loin de se douter que les historiens ou une partie des chrétiens rattachent le judaïsme actuel aux pharisiens. Je ne veux pas dire au pharisaïsme, parce que pharisaïsme... Oui, c'est une connotation très négative. Ça a un sens très péjoratif. Donc, il sera le premier surpris. Cependant, il y a certainement une filiation, puisque le judaïsme actuel est fondé à la fois sur la Torah, la Bible et sur le Talmud, et que dans le Talmud, nous avons des échos de ces discussions de halakha, comme je vous le disais, que l'on voit émerger dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que je trouve que le Nouveau Testament est une source historique très, très importante pour connaître les origines du judaïsme rabbinique. Et ça, aujourd'hui, ça fait l'objet d'études de la part du monde juif. Est-ce que les évangiles sont encore ou toujours très étudiés? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait l'objet de recherches conjointes? Alors, les évangiles, ça ne peut être qu'au niveau de l'université. Oui. Au niveau de l'université, parce que c'est un livre qui appartient à une religion autre, et il est évident que le fidèle de base ne s'y plonge pas. En revanche, à l'université, parce que les textes sont quand même lus tous les dimanches. Mais, logiquement, il y a des textes évangéliques qui sont lus tous les dimanches. Oui. Mais je dis que le fidèle de base juif. Oui, mais bon. Ne s'y plonge pas. Ce sont pas des textes faits pour des chercheurs en soi. Non. C'est pas comme je disais, journaliste tout à l'heure. Mais non, ça ne sent pas. Mais de même que un chrétien de base ne lit pas l'Ancien Testament. Il y a eu beaucoup de progrès faits quand même. Il y a eu des progrès. Bon, eh bien là, j'espère qu'on est sur la voie aussi. Mais je peux vous dire qu'à l'université, très certainement, beaucoup plus aux États-Unis et en Israël, on lit le Nouveau Testament, mais depuis avec beaucoup d'intérêt pour connaître ce monde du premier siècle qui est tout à fait passionnant. Un mot, Mireille Hadès-Lebel, sur Flavius Joseph, parce qu'on a l'impression que ce personnage n'aurait pas existé, mais on se demande de quelles sources on pourrait disposer. Ah ben, vous avez tout à fait raison. Vous savez peut-être que je lui ai consacré une biographie il y a déjà longtemps. Flavius Joseph, le juif de Rome, et c'est exactement la conclusion à laquelle j'aboutis. Ça tient à un seul homme, en fait, c'est ça fou. Ça tient à un seul homme, qui est aussi le seul historien qui nous parle de Jésus en son temps. C'est dans un fameux passage qu'on appelle le Testimonium Fabianum dans l'Église, c'est vers ce temps-là qu'apparut Jésus, homme sage, s'il faut l'appeler un homme, c'était, etc. Voilà, quelques lignes qui ont beaucoup, beaucoup fait parler d'elle. Son apport donc à l'histoire est considérable. Considérable, parce qu'il est l'acteur dans un premier temps et le témoin dans un second temps d'un événement qui a changé la face du monde. la révolte des Juifs contre Rome de 66 à 70, et qui a eu peu d'écho dans le monde romain parce que les historiens latins n'en ont pas beaucoup parlé. Mais je vous demande si la prise de Jérusalem par les Romains en 70 n'a pas plus modifié le cours de l'histoire que la prise de Carthage par Scipion. Avec le recul du temps, la réponse paraît un peu évidente, voilà. Mireille Hadas-Lebel. Est-ce que il y a une petite controverse que vous refermez rapidement sur le fait qu'il y a certains qui aient douté de savoir à quelle chapelle, entre guillemets, il appartenait, Flavius Joseph ? Est-ce qu'il était pharisien, pas pharisien ? Est-ce qu'il est... Oui, Flavius Joseph nous donne une image très positive des pharisiens parce que lui, il écrit son autobiographie, Ferrare à l'époque, hein, et il nous dit qu'il a beaucoup hésité entre les trois sectes ou groupes principaux et que finalement, il a choisi les pharisiens. Et l'argument qu'il nous donne, c'est parce qu'ils sont plus proches des stoïciens. Voilà. Donc en fait, parce qu'il s'adresse à un public grec, n'est-ce pas ? Il veut faire comprendre que c'est une forme de philosophie où on pratique la maîtrise de soi, la justice, etc. Voilà. Donc ça, c'est un point. C'est un point. C'était une forme de distinction, d'appartenance à l'élite quand vous étiez dans, quand vous vous reconnaissiez de ce type d'appartenance. Alors, l'élite, il y a l'élite sociale des Sadducéens, il y a ceux qui se considèrent comme l'élite intellectuelle, qui sont les pharisiens. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, Mireille Hadas-Lebel, ce sera l'une de mes dernières questions, est-ce qu'il y a aujourd'hui entre juifs et chrétiens, précisément puisque vous nous avez dit que Jésus et les pharisiens discutaient de questions d'interprétation, est-ce qu'il y a l'équivalent, est-ce qu'on reproduit en fait... des discussions du type qu'on pourrait avoir aujourd'hui, des discussions entre, il y a sans doute entre le judaïsme ou du moins des chercheurs et puis d'autres chercheurs d'autres types de cultures. On pourrait reproduire ça, on pourrait il y a beaucoup de groupes d'études qui vous appartenez aux amitiés judéo-chrétiennes. J'appartiens aux amitiés judéo-chrétiennes. Je dois dire que il y a l'Institut biblique pontifical a fait un pas énorme dans cette voie en organisant en 2019 un grand colloque international à Rome sur la question des pharisiens. Et avec le sentiment qu'il fallait, je ne dirais pas réhabiliter les pharisiens, puisque je n'aime pas cette expression, mais les remettre véritablement dans leur contexte historique et bien comprendre que ce ne sont pas eux qui sont les responsables de la mort de Jésus. Ils ne prennent pas de part à la passion dans les trois évangiles synoptiques. Ils n'y participent pas. Donc c'est déjà la connaissance de l'histoire. C'est déjà la connaissance de l'histoire et que dans cette vision péjorative qu'on a des pharisiens, au fond, le regard se porte plus ou moins consciemment vers les Juifs d'aujourd'hui. Et vous savez que la déclaration des évêques de France, toute récente, met en garde non seulement contre l'antisémitisme, mais contre l'anti-judaïsme, c'est-à-dire l'anti-judaïsme théologique. Merci beaucoup Mireille Hadas-Lebel de nous avoir renseigné sur ces pharisiens qu'on connaît finalement assez peu. Et c'est aux éditions Albin Michel. Je vous souhaite une bonne journée.